Je te pose une question. On voit si on met une bulle à ton oncle ou pas. Mais d'entrée. Hein? Tu voulais dire, je te pose une question, une petite question, une question simple. Non. Non? Ouais. Aidez-la. Aidez-vous, le jury. Hein? Allez, je te pose une petite question. Hein? Si tu sais, tu réponds. Si tu ne sais pas, tu dis Allah. Taïb. Allah, il est où? Il est où, Allah? Hein? Ahsant. Batal, anta. Fissama. Naam. Soal. Thani. Indeman. À qui on pose la deuxième question? Ah. Abdallah, tu te poses une question? C'est qui ton Seigneur? C'est qui ton Dieu? Comment il s'appelle? Allah? Aïwa, Ahsan, Ahsan. Troisième question. Pour qui? Indak ya Alay. Nahnu fi ay asl fi usul al-sitta. Awwal. Al-awwal? Al-ikhlas. Al-ikhlas. Jayid. Qui dit mieux? Ah, c'est bien. Le deuxième. On est dans le deuxième as. Ouais. C'est rassembler. Le aywa, l'union. Et l'interdiction. Naam. L'union, le fait de s'unir en religion et de s'éloigner de toute division. C'est dit. Naam. وقد تذكرنا كلاما نفيسا لأحد العلماء et on avait évoqué une parole de très importante d'un des grands imams parmi les salafs. Qui se rappelle la parole de quel imam? On était dans la parole de quel imam, Harun? Kunyatuhu Abu Bakr, Ahsant. نعم وهو محمد بن الحسين الأجري نعم الأجري صاحب كتاب الشريعة donc c'est le noble savant أبو بكر محمد بن الحسين الأجري donc on a vu dans sa parole que il a évoqué plusieurs points et le point sur lequel on s'est arrêté la semaine dernière il concernait le fait que les juifs et les chrétiens se sont divisés ou la cause de leur division fut à partir de quoi fut causée par quoi la jalousie par la jalousie ou amada Yanis je pense que c'était l'injustice ou... Naam, al-bari la jalousie, al-hasad ou البغي هو الظلم نعم نعم فاستفدنا من هذا الكلام يعني كلام الشيخ أبي بكر الإمام الأجري فوائد منها أن السبب الأعظم في تفريق الناس في تفرق الناس والأمم هو البغي والحسد Donc parmi les points qu'on avait pu tirer de cette parole, les leçons à tirer de cette parole, ou du début de cette parole, parce qu'on n'a pas tout lu, le fait que la cause essentielle qui suscite la division dans les communautés, entre les gens, la cause primordiale n'est autre que l'injustice commise par les uns et les autres, envers les autres, ainsi que la jalousie. والبغي هو الظلم والفساد والحسد هو التمني نعم الحسد on avait dit aussi c'est quoi sa définition le hasad ya Alek c'est le fait de vouloir qu'un bien soit ôté à une personne aywa ahsant c'est la jalousie mais il y a plusieurs types de jalousie la jalousie lorsqu'on parle de hasad al-madmou c'est-à-dire c'est le fait de souhaiter la disparition de du bien qui a touché la personne en vie. Et on a vu que Cheikh al-Islam lui il dit une meilleure définition. Cheikh al-Islam, c'est quoi sa définition? Qui c'est que ça rappelle? Et aussi le ne pas être content qu'il l'ait aussi. Naam. Ne pas Cheikh al-Islam كما ذكر في مجموع الفتاوى يقول الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير وإن لم يتمنى الزوال Cheikh al-Islam pour lui la jalousie c'est le fait de détester le bien qui a touché autrui sans toutefois même si on ne souhaite pas sa disparition juste le fait que tu détestes que ton frère ait été touché par un bien, cela rentre dans le hasad. Cela rentre dans la jalousie. Na'am. Fa al-baghi wal-hasad huma maradan khabithan. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hadith 'azim ja'alahu al-'ulama min usul al-ahadith. كما فعله الإمام النووي في كتابه الأربعين. Donc le hasad et le baghi, le dhulm. Et quand on dit le dhulm c'est vaste. L'injustice c'est vaste. Ça peut être une injustice que tu fais à ton frère ou que la sœur fait à sa sœur par une parole ou par une action. Ou même par une pensée. Le fait de penser du mal d'un croyant, فهذا ظلم. ظلم. نعم. لا ينبغي. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith que les savants ont classé comme faisant partie des hadiths de base sur lesquels gravite la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'imam al-Nawawi l'a évoqué dans son livre Al-Arba'in al-Nawawi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabagadu, wa la tadabaru. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne vous jalousez pas les uns les autres. Wa la tanajashu et n'essayez pas de commettre des ventes ou de tromper dans la vente. Yani wala tanajashu, c'est le fait que, par exemple, un tel, il vend une voiture. Il vend une voiture à 1000 euros maintenant. Toi, tu viens pour l'acheter. Et tu dis, je vais donner 1000 euros. Il y a quelqu'un qui vient, qui est un complice du vendeur, qui en propose plus. Il dit, moi, je vais l'acheter à 1200. Tout ça pourquoi? Pour que toi, t'augmentes le prix. هذه المعاملة لا يجوز. وهو معنى كلامه ولا تناجشوا. تمام؟ ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. Et ne vous prenez pas en inimitié. Hein? البغضاء. تمام؟ ولا تدابروا et ne vous tournez pas le dos c'est-à-dire ne vous délaissez pas ne vous ignorez pas لماذا لان كل هذه الاشياء اذا وقع العبد فيها سيحصل الفساد وسيحصل الحسد وسيحصل من ثم الافتراق المنهي عنه pourquoi parce que toutes ces œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit si le serviteur il les accomplit, alors certes il va tomber ou il va être éprouvé d'injustice. Il va tomber dans l'injustice et dans la jalousie. Et de surcroît, il va tomber dans la division. Naam. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ وَكُونُوا عِبَادِ اللَّهِ وَكُونُوا عِبَادُ اللَّهِ إِخْوَانًا. Mais soyez des serviteurs d'Allah, frères. Et lorsqu'il dit وَكُونُوا عِبَادِ اللَّهِ إِخْوَانًا, ça sous-entend les hommes comme les femmes. C'est-à-dire, soyez, ô les musulmans, بينكم إخوة وأيتها المسلمة بينكم أخوات. Ça veut dire, soyez vous les musulmans entre vous comme des frères, et vous les musulmanes soyez entre vous comme des sœurs. Ça c'est le murad du hadith. Al-muslim akhu al-muslim. Le musulman n'est autre que le frère du musulman. La yadhlimuhu. La yadhlimuhu. Hada yadullu ala an-nahy al-baghi. لا يظلمه ولا يخذله. ما معنى لا يخذله؟ أيوة أحسنت. لا يخذله. Ça veut dire il ne l'abandonne pas. Il ne doit pas lui faire d'injustice et il ne doit pas l'abandonner. مثلا تعرف أن أخاك يعني مظلوم. Tu sais que ton frère il est opprimé. وأنت قادر على نصح. Et toi, tu as la capacité de conseiller celui qui l'opprime. Fallait les choses, Tarka. Donc, il ne t'est pas permis de laisser l'opprimeur opprimer ton frère. Donc, il ne doit pas le délaisser. Taïd. Wala yahqiruhu. Wala yahqiruhu, ma'ana. Mépriser. Non. Et il ne doit pas le mépriser. Là, bi kalima. Voilà, bi mu'amala. Voilà, bi nazar hatta. Même avec tes yeux, avec ton regard, le regard que tu lui portes, tu ne dois pas le mépriser. Non. Léan al-mu'min indallah, azim. Azim al-sha'n, azim al-qadr. Pourquoi ? Parce que le croyant auprès d'Allah Azza wa Jalla ainsi que la croyante, ils ont un haut degré auprès d'Allah Azza wa Jalla. Naam. Wa qala at-taqwa hahuna. La crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jalla, elle se trouve là. Wa yushiru bi sadrihi wa yushiru bi yadihi ila sadri. Et il indique avec sa main sa poitrine. Qu'est-ce qu'il veut dire par la poitrine ? C'est quelle partie du corps ? Le cœur. Ala inna fil jasadi mudgha. Idha salahat salaha al jasad kullu. Wa idha fasadat fasada al jasad kullu. Ala wa hiya al qalb. Comme dans notre hadith, le prophète a dit, certes, il y a dans le corps un bout de chair. S'il est pieux, alors ce bout de chair rendra tout le corps pieux. Et s'il est mauvais, alors ce bout de chair rendra tout le corps mauvais. C'est-à-dire que toutes les œuvres que va faire cette personne-là seront en fonction de ce qu'il y a dans son cœur. Donc si elle fait des bonnes œuvres, c'est que son cœur est bon. Et si elle en fait des mauvaises, c'est que son cœur est mauvais. وَهَذَا لَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَهَذَا لَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاقِ. Et ça, c'est pas à prendre d'une manière absolue. Car, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dans un autre hadith, il dit وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Car dans un autre hadith, le prophète sallam dit, et certes par celui qui, par Allah Azza wa Jal, il y en a un parmi vous, et où il y en a un d'entre vous qui peut faire les œuvres comparables aux œuvres des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus contre lui et l'enfer qu'une coudée. Et c'est là que son décret, ce qu'Allah lui a décrété, le devance, et il a accompli une action de bien. Et de par cette seule action de bien, qui est la dernière de ses actions, il rentre au paradis. Naam. Taïb. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, fi hadha al-hadith, naha عن الحسد. وهذا الحديث كما ترى جمع بين النهي عن الحسد والبغي. Donc ce hadith là, il est encore, il confirme l'interdiction de faire du tort, de faire une, de commettre une injustice envers le musulman ou le musulman. وكذلك الحسد. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ في هذا الحديث بالحسد لما فيه من الشر. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم بين الناس الأرزاق أو أرزاقهم وأموالهم وأخلاقهم. نعم. Et comme il est bien connu, c'est Allah Azza wa Jal, l'unique, le seul, l'absolu, qui a partagé la subsistance entre ses serviteurs. C'est lui, seul. S'il a donné à un tel la richesse et il a privé un tel, ça, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Wa nahnu na'taqid anna Allah subhanahu wa ta'ala hakamun adl. Et nous, on doit avoir la croyance ferme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste et sage. Il est juste et sage. Non. Fa'alladhi yu'min bil qadar yatma'in. Celui qui croit au décret d'Allah Azza wa Jal, il est tranquille et il s'apaise. وقد قال الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعها الله مما آتاه. Et le prophète Hassan dit طوبى, certains savants disent que طوبى c'est un arbre au paradis. Donc c'est une promesse du paradis que le prophète Hassan fait pour celui qui a embrassé l'islam et qui a eu une subsistance qui lui suffit et qui se contente de ce qu'Allah lui donne. فَلَا يَنْظُرْ إِلَىٰ فُلَانُ وَلَا عَلَّانُ وَلَا. Donc lui, il ne se tourne pas vers un tel ou un tel ou ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis dans ses mains. وَلَكُمُ الْحَدِيثُ الرَّائِعُ. Et vous avez aussi un hadith qui est magnifique fi hadha al-bab. Wa كذلك ذكره الإمام النووي في الأربعين النووية أن أحد الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. Donc le compagnon dit ô prophète, informe-moi d'une œuvre, si je l'accomplis Allah va m'aimer ainsi que les gens. Et là, on prend ce hadith. Que le fait que les gens t'aiment, c'est une chose qui est marroub. L'être humain, il a été créé avec cet amour-là, d'être aimé des gens. L'être humain, il a été créé avec cet amour-là, d'être aimé des gens. Naam. Fa mada naam. Fa le sahabi, il a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, indique-moi une œuvre que si je l'accomplis, alors j'aurai l'amour d'Allah et l'amour des gens. Il a commencé par l'amour d'Allah. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Ya ikhwa, wallah, wallah, anna alladhi ahabbahu Allah fariha wa salaha halu wa najiha. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, alors c'est sûr qu'il va trouver le bonheur, c'est sûr qu'il va réussir. Et c'est sûr que sa situation va s'améliorer. نعم. ولهذا كان الصحابة يعني تمنوا لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر تمنوا كل الصحابة كلهم أن يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه سيعطيه لرجل يحبه الله ويحبه الرسول. Et les compagnons, c'est pour ça, ils ont tous souhaité être celui visé par la parole du prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il a dit dans la bataille de Khaybar, demain je vais donner l'étendard à un homme qui aime Allah et son prophète et qui est aimé d'Allah et de son prophète. C'est la deuxième phrase qui a le plus motivé les compagnons. Parce que aimer Allah, ça c'est une chose que beaucoup de gens peuvent prétendre. Avec haq, bil batil. Avec droit, comme yani avec fausseté. Mais être aimé d'Allah, ça personne ne peut le prétendre. Si ce n'est avec un khabar d'Allah Azza wa Jal ou de son prophète. Donc ils ont tous souhaité être cet homme-là. Waman kana. Et c'était qui l'homme que le prophète sallam a visé par, dans cette parole-là? Ja'far. T'étais presque. Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. Non. Ali ibn Abi Talib. Donc le, on revient sur le hadith que je vous ai cité. Le compagnon dit, oh prophète, accorde, montre-moi une œuvre que si je fais, Allah va m'aimer et les gens vont m'aimer. قال ازهد في الدنيا يحبك الله. Détourne-toi de cette dunya, Allah va t'aimer. Hadith un azim. Détourne-toi de cette dunya, Allah va t'aimer. Quand on dit détourne-toi de cette dunya, ma ma'ana. Yani ça veut dire que tu manges plus des bonnes choses. Tu t'attaches pas. Tu t'habilles plus avec de beaux habits. Tu te maries pas, tu yani tu restes dans un coin à 7. Hadaho. C'est ça le Aïwa, c'est-à-dire que toutes ces choses-là que tu peux avoir comme, comme bien, ils sont dans ta main et non dans ton cœur. Ta main, ils sont dans ta main. Si Allah subhanahu wa ta'ala il amène alayk, si Allah il t'a donné une belle voiture, ni'ma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, ça fait partie des causes du bonheur. Ça fait partie des causes du bonheur d'avoir al-markab al-hani. La bonne monture, ça fait partie du bonheur. Enfin, la baisse. Lakin, il faut que ça soit dans ta main et pas dans ton cœur. Ça veut dire tu vis que pour ta voiture, tu vis que. وكذلك الزوجة وكذلك البيت وغير ذلك كل هذا بيدك متى ما أردت تتركه. Lorsque tu as envie de délaisser, tu le laisses. Sans que tu sentes un attachement zaed, supérieur à cela. Non. Donc il a dit, izhad fi dunya yuhibbuk Allah. Détourne-toi de cette dunya, Allah il va t'aimer. Wazhad fi ma inda an-nas yuhibbuk an-nas. Et détourne-toi de ce qui se trouve dans la main des gens, et les gens vont t'aimer. Wala fi'lan ya ikhwa. Idha تقل الأسئلة والطلب من الناس يحبونك. Si tu diminues le fait de demander aux gens, les gens vont t'aimer. وإذا كثرت وسيحصل شيء من الحرج. Mais si tu multiplies la demande, ça va ماذا, ça va leur susciter de la gêne et de surcroît de l'énervement. Ya ikhwa, i'rifu. Anna ma siwa Allah, ma laysa hunaka ahad yuhibbu an yus'al. Daiman siwa Allah. Il y a pas quelqu'un autre que le créateur, autre qu'Allah Azza wa Jal qui aime qu'on lui demande à chaque fois. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu an tas'al. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر عن عبد الله بن عباس وإذا استعنت فاستعن بالله. Et si tu dois demander de l'aide, demande l'aide d'Allah Azza wa Jal. Demande l'aide d'Allah Azza wa Jal. نعم. على كل حال الإنسان لا بد أن يكون مع الله لا غير. Donc les compagnons ils étaient sur cette voie là. C'est-à-dire le fait de délaisser cette dunya et de surcroît délaisser ce qui se trouve dans les mains des gens. Et ça, c'est des choses qui vont te pousser ou qui vont te préserver de tomber dans la jalousie. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama jaa fi al-hadith fi hadith Jibril yaqul lamma su'ila 'an al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa al-qadar khayri wa sharr. Tu crois au qadar? يعني la croyance au qadar, c'est tatma'in, tu t'apaises. Allah t'a donné ce qu'il t'a donné, fa'i'lam annahu khayr, annahu li hikmatin baligha, fala tahsud an-nas. Na'am. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul am yahsaduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlih. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الله سبحانه وتعالى dit dans, selon la traduction approximative de ces versets, est-ce que ils vont jalouser les gens sur ce que Allah سبحانه وتعالى leur a donné comme bienfait? Certes, nous avons donné à Ibrahim le livre ainsi que la sagesse, et nous lui avons donné un vaste royaume. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا. نعم. Si, et ça c'est des versets qu'il faut méditer. سبحان الله. Allah سبحانه وتعالى dit, selon une traduction approximative, si toutefois vous possédiez les trésors de la miséricorde de votre Seigneur, alors certes, vous les aurez maintenus, vous les aurez gardés pour vous, et vous ne les aurez pas partagés pour les gens, par crainte de dépenser. Ça va ? L'insan, ça, l'insan, dans sa prime nature, il est comme ça. À l'exception de qui? Alladhina amanu wa amilu salihat. À l'exception de celui qui croit et qui font des bonnes œuvres. Na'am. Wa qala ta'ala am lahum nasibun min al-mulk fa idhan la yu'tuna an-nasa naqira. Naqira, ma yu'tu. Ha? Et il dit, si, est-ce qu'ils ont une part dans la royauté? Si c'était le cas, ils n'auraient pas donné, ne serait-ce que, un naqir, c'est une partie de la date. Hein? Cette chose-là, ils n'auraient même pas donné aux gens. Naam. Taïb. Fahada kullu yadullu ala mada, ala anna al-qisma min indillahi azza wa jal, يجب علينا أن نرضى به أن نرضى بها. Donc tout ça pour affirmer que le partage du risque, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait, et on se doit de agréer cela. نعم. ومن الأمم من ابتلي بالحسد كثيرا. Et parmi les communautés, il y a des communautés qui ont énormément été éprouvées par la jalousie. Women achadhum. Al-Yahoud. Naam ya ikhwa. Al-Yahoud yahsudun an-nas. Yahsudun an-nas. Yani hasadan. Yani baligan. La yujad lahu mathil. Donc les Yahoud, ils jalousent les gens d'une force que on va pas trouver une jalousie pareille. Finnas. Naam. وهذا مصداق قوله تعالى حيث قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, les gens qui ont mécru parmi les gens du livre, c'est-à-dire les Yahoud ou les Nasara, ainsi que les mouchriquines, ils ne veulent pas que le moindre bien descende sur vous. Oh, ma'achar les muslimines. Oh, vous les muslimines. Ces gens-là, ils ne veulent pas que le moindre bien descende sur vous. Au fur et à l'année, quoi. Là, ma tendre, t'as dit d'homme, yahsudun les muslimines, fi kulli ma hum alayh, min al khair. Min al khair. Allah subhanahu wa ta'ala baraka wa ja'ala al baraka fi ard al muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala il a déposé sur terre une énorme bénédiction dans la terre qui appartient aux croyants. Dans la terre qui appartient aux muslimin. Wa a'zam al aradi barakatan مكة والمدينة وماذا والقدس نعم. Donc ça, ça fait partie des terres les plus bénites. La terre de la Mecque, la terre de Al-Medina, ainsi que la terre de Jérusalem où se trouve le troisième lieu sacré de l'islam. نعم. Qui est la mosquée du Quds. انظر ماذا يصنعون به. Et regarde comment ils se sont appropriés cette terre. Bi ghayr haqq wa 'an dhulm wa kadhib wa ghash wa khida'. Na'am. Na'am. Fa al-yahoud yahsudun an-nas wa an-nasara kadhalik wa ashad ما على أهل الباطل لما يرون الناس مقبلين على الله عز وجل. Est-ce qu'il fait plus de tort à ses envieux, que ce soit parmi les gens du livre ou autre, est-ce qu'il leur fait le plus de tort, est-ce qu'il leur fait le plus mal, c'est lorsqu'ils voient les gens revenir vers Allah عز وجل. Ça leur fait mal énormément lorsqu'ils voient des gens s'accrocher à la religion d'Allah Azza wa Jal. Naam. قبل 5 ou 10 سنوات المرأة كانت تستطيع تمشي في الشارع وهي مسترة وجهها ما فيها بأس وإذا بهم خلاص خرجوا من هذا الأمر وجعلوا هذا يعني عنوان على ماذا على الإهرابية كما يقولون. نعم. نعم. ويقول الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من أنفسهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et certes, bon nombre de gens parmi les gens du livre souhaitent vous voir revenir sur votre religion. Ils veulent que vous reveniez, kuffar, vous sortez de l'islam. Pourquoi? Hasadan. Juste pourquoi? Par jalousie. Kulluma. Yani, achad. Et il faut bien savoir aussi que ce qui leur fait le plus de tort à ces envieux, ce sont mitla hadi al-halaqat. Halaqat al-ilm. C'est le fait d'apprendre que la personne, que ce soit un homme ou une femme, elle apprenne sa religion. Ça leur fait beaucoup de tort. Limada, li'anna bil-ilm tazil al-jahl. Parce qu'avec la science, l'ignorance disparaît. Wal-basira ta'ti wa tathbut. Et la clairvoyance arrive et se confirme pour le serviteur. Naam. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Oh vous qui croyez, si vous craignez Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vous accordera un discernement. Naam. Wa qala wa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul waddu law takfuruna kama kafaru. وهذا واضح. ودوا لو تكفرون كما كفروا. Ils ont souhaité ou ils souhaitent que vous mécroyez comme ils ont mécru. Ils souhaitent que vous mécroyez comme ils ont mécru. N'aim. Falhadar al-hadar. Donc il faut vraiment que la personne elle prenne garde. Parce que toute personne il peut être proie à un moment donné à tomber dans le hasad. Toute personne il peut être proie à un moment donné à tomber dans le hasad. فعليه أن يدافع عن نفسه يدافع ويدفع نفسه من هذا الخطر. Donc la personne se doit de repousser cette maladie de lui-même. نعم. فكما تعلمون الحسد قد وقع فيه إخوة يوسف les frères de Youssef عليه السلام sont tombés dans le hasad lorsqu'ils ont vu que leur père était plus tendre et plus avait plus d'amour pour Youssef. Qu'est-ce que la jalousie leur a poussé à faire? À prendre Youssef et le jeter dans le puits. نعم. وكذلك أبني آدم les deux enfants de Adam ou plutôt l'un des deux enfants de Adam, il a été pris de jalousie par rapport à son frère jusqu'à ce que cette jalousie l'a amené à le tuer. Non. فالحسد ضار ضار جدا بصاحبه. Et donc la jalousie fait énormément de tort. Énormément de tort. Mais encore plus à son auteur. Non. يحصل له الإثم أولا. Déjà il prend le péché déjà. Et en plus de ça, le jaloux, comme on a dit la semaine dernière, il a mal. C'est quelque chose dans son œuf. Il supporte pas de voir le. Ça lui fait mal de voir du khair fil mahsoud. Ça lui fait mal de voir le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à la personne enviée. فالحاسد يتألم ويحترق لأنه لا قدرة له في إزالة الخير الذي عند المحسود إلا بإذن الله. Donc le hasid, l'envieux, il brûle au fond de lui-même, il brûle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de force pour enlever le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur la personne enviée. يعني sans l'aide d'Allah عز وجل, sans la volonté d'Allah عز وجل. قل إن الأمر كله لله. Il dit, l'affaire tout entière, elle appartient à Allah عز وجل. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse. كلها لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك أنت على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. نعم. Donc Allah سبحانه وتعالى dit قل اللهم مالك الملك. Oh mon Seigneur, c'est toi qui est le détenteur de la royauté. Tu la donnes à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu honores et tu élèves qui tu veux et tu rabaisses et tu humilies qui tu veux. Dans ta main se trouve le bien. فالإنسان يدوي أخوشي بك الله عز وجل لا مع الناس تفيدك لا بيخسن أم أو فام يدوي أخوشي الله عز وجل يدوي أخوشي الله عز وجل même si tu peux avoir des compagnons, tu peux avoir des amis, des fréquentations que t'aimes, que t'apprécies, لكن محبتك لله أشد. Mais cependant ton amour pour Allah عز وجل doit être plus grand encore. نعم. Et c'est pourquoi le prophète sallam il a dit لو كان إن الله اتخذني خليلا ولو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. Allah subhanahu wa ta'ala m'a pris comme ils le traduisent en français comme ami intime. Allah subhanahu wa ta'ala m'a pris comme ami intime. Et s'il m'était permis de prendre un ami intime, j'aurais pris Abu Bakr. C'est-à-dire le prophète sallam il n'y a pas d'ami intime. Puisque son ami intime c'est qui? الله عز وجل فهو مع الله وأبو بكر في نفس الوقت على هذا النمط يا أبو بكر lui-même il est sur cette voie là pas d'ami intime il est avec Allah عز وجل تمام فالإنسان إذا كان مع الله فلا وانظروا كيف comme je vous ai montré comme on a vu les questions des compagnons. Les questions des compagnons, elles n'étaient pas sur des choses de cette dunya. Ils ne demandaient pas des choses de cette dunya. Un jour, les compagnons du prophète, ils étaient là à se plaindre des labeurs du travail. Du travail, c'est-à-dire dans les champs, hein, l'agriculture ou quoi. Et ils sont arrivés au prophète, ils sont venus, ils se sont concertés. Ils ont dit, venez, on va voir le prophète aujourd'hui et on va lui demander qu'il fasse du'a pour qu'Allah il nous facilite que l'eau elle vienne directement vers nos champs sans qu'on ait besoin de travailler. Ils sont arrivés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a accueillis en leur disant, demandez ce que vous voulez, aujourd'hui vous serez exaucé. Vous croyez qu'ils ont parlé du champ de labour ou de la... Rayyaro. Ils ont tous demandé à Allah et à Rasulullah, demande qu'Allah nous pardonne nos péchés, les péchés de nos enfants et les péchés de nos arrière-petits-enfants. Et c'est de là qu'est partie la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les Ansar ou Abna al-Ansar ou Abna Abna al-Ansar. N'aim. Fakada l'insan yu'alla qalbahu billahi azza wa jal. وَمَنْ كَانَ مَعَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَهِ Et celui qui est avec Allah عز و جل صدقا Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui. À la kulli hal, donc ça c'était un petit passage sur le fait qu'il faut vraiment prendre garde au hasad et que c'est l'une des premières causes qui suscite la division entre les frères ou entre les sœurs. Le hasad ainsi que le dhulm, ainsi que l'injustice. Et comme on a dit, l'injustice ça peut être une parole. Ça peut être une mada. Une pensée même, hatta. Le fait que tu penses de ton frère du mal. Haram. Haram. Non. Ce n'est pas permis. Taïd, donc on revient sur cette parole Jamila qu'a évoqué l'imam Al-Ajuri et on la termine. Et on passe à autre chose, Inch'Allah. Taïd. Qala l'imam Al-Ajuri fi kitabihi al-Sharia. إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم. Donc Allah سبحانه وتعالى nous a informé, ça c'est l'imam Al-Ajuri qui dit, Allah nous a informé dans son livre que les communautés d'avant qui ont reçu les deux livres, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, n'ont couru à leur perte que et ne se sont divisés dans leur religion que à cause de du hasad et de la jalousie du dhulm. Wa a'lamana maulana al-karim anna alladhi hamalahum ala al-furqa 'ala al-jama'a wal-mayl ila al-batil alladhi nahu 'anhu innama huwa al-baghy wal-hasad بعد أن علموا ما لم يعلم غيرهم. Et quand est-ce que ils ont été éprouvés de ça, les juifs et les chrétiens? Quand est-ce qu'ils ont été éprouvés de cette jalousie? Quand est-ce qu'ils ont été éprouvés de cette jalousie et cette division? Quand ils ont reçu l'ilm. Quand ils ont reçu la science. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il leur a envoyé les kitabs. Sinon, avant qu'il leur envoie les livres, ils étaient une même umma, ils étaient une même communauté, sans division. Mais lorsque le livre est venu, c'est là que ils se sont divisés. طيب يا خنا أبا حذيفة هل يستدل بذلك كما يفعلون أهل ماذا أهل الضلال كالتبليغيين وغيرهم على أن العلم يسبب الافتراق يسبب الضلال. Est-ce qu'on peut prendre de cela comme le font les tablirs ou autres qui prétendent que le fait de rechercher la science, ça suscite la division dans la communauté. Est-ce que ça c'est véridique? ليس بصحيح فكيف نقول في افتراق اهل الكتاب بسك الله سبحانه وتعالى dans le verset il dit كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بينهم او ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه اوتوا ماذا تفضل Outre l'ilm, outre le kitab. Comment on répond à ça? Ils avaient l'ilm, mais le caché. Naam. C'est-à-dire que l'ilm, s'il vient à un peuple, c'est une ni'ma. La science, si elle vient à un peuple, c'est une ni'ma. الله سبحانه وتعالى لما نزل القرآن سمه نورا وهدى ورحمة الله سبحانه وتعالى lorsqu'il a fait descendre le Coran il a nommé que c'était une lumière, c'était une guidée, c'était une miséricorde. نعم. Donc c'est une guidée, c'est une miséricorde. Mais cependant, si celui sur qui le Coran il descend et il le met derrière le dos, donc le Coran, là, il ne sera plus une miséricorde pour la personne. Mais ce sera, au contraire, un égarement pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas œuvré avec. Et il n'a pas appliqué ses enseignements. Non. Taïm. Qala, fahadharana مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit cet imam que Allah subhanahu wa ta'ala nous a vivement ordonné de s'accrocher à l'union, d'être unis entre nous. Et subhanallah, il y a un proverbe qui est connu: farriq tasud, diviser pour mieux régner. Naam, diviser pour mieux régner. Ça, c'est une technique de guerre qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est mise en pratique. Naam. Donc, les muslimines, alayhim an yajtami'u. Donc, les croyants, ils se doivent d'être unis. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka bayna asabi'ih. Le prophète lorsqu'il a dit ce hadith, que le croyant est pour le croyant comme un édifice. L'un renforce l'autre. Il a pris ses deux mains et il a fait comme ça. Il a uni ses deux mains. Tamam. Ça, c'est pour montrer comment les croyants se doivent d'être entre eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de nous diviser et il nous a ordonné de nous unir. وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة وأمرنا بالجماعة وكذلك حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة. Donc tous c'est-à-dire que ce soit يعني Allah عز وجل ainsi que son prophète ainsi que les imams parmi les pieux prédécesseurs, tous, ils ont tous ordonné cette communauté de s'unir sur la vérité et de s'éloigner de la division. Non. À la kulli hal, celui qui veut revenir sur cette parole-là, elle se trouve dans le livre Kitab al-Sharia de la Jurri. Et c'est une parole jamil jiddan. Une parole jamil jiddan. On va prendre aussi une petite faïda, kadhalik. Une faïda jamila. Pour que chacun comprenne que lorsqu'une personne, ou lorsque on assiste à des divergences entre frères, comme c'est souvent le cas. Hein, entre frères. Ou des sœurs entre sœurs. Ça arrive que des sœurs peuvent avoir des divergences entre elles. On se doit, ou celui qui est le plus apte, il se doit de calmer la divergence et d'apaiser. Pourquoi ? Parce que la divergence entre les musulmans, c'est quelque chose de détestable. Que les musulmans divergent entre eux, c'est quelque chose de détestable. Surtout sur les sujets de religion. Surtout sur les sujets de religion. Et encore plus lorsqu'il s'agit de la aqida. Encore plus lorsqu'il s'agit de la aqida et encore plus lorsqu'il s'agit d'Allah Azza wa Jal. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ماذا ينزل الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره il a confirmé qu'il descendait. Certains savants ils ont dit il descend avec son طيب طيب ان شاء الله نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس وان شاء الله ناخذ شيئا ما من درس